9-19, activation dictée. Écoutez et complétez le texte ci-dessous. Vous entendrez le passage deux fois. C'est à qui de jouer? C'est à toi. C'est à moi? Non, c'est pas à elle. C'est à lui. C'est à qui de jouer? C'est à toi. C'est à moi? Non, c'est pas à elle. C'est à lui.